Les jours heureux, comédie en trois actes et quatre tableaux. Les personnages. Olivier et Pernette. Olivier a 19 ans, Pernette en a 15, ils sont frères et sœurs. Bernard, Marianne et Francine, qui sont les cousins d'Olivier et de Pernette. Marianne a 18 ans, Francine en a 19 et Bernard en a 16. Et enfin, Michel Bouillet. Le décor. C'est le même pour toute la pièce, le living room d'une maison de campagne dans le Poitou. Escalier intérieur qui mène au premier étage. Au fond, une grande fenêtre et une porte de milieu ouvrant toutes deux sur la campagne. Fin septembre. Premier acte. Au lever du rideau, la scène est vide. Il est 8 heures du matin. Les volets sont fermés. Rien ne bouge, tout dort encore dans la maison. Soudain, sonnerie de téléphone prolongée. Francine, achevant de passer une robe de chambre, paraît alors sur le palier, descend rapidement et court vers le récepteur qu'elle décroche. Allô ? Allô ? Le 12 à Bonneuil, oui. De Poitiers ? Bien, bien, j'attends. Merci, mademoiselle. Marianne, en chemise de nuit, passe la tête par la porte de droite. Marianne. Qu'est-ce que c'est ? Francine. On nous appelle de Poitiers, c'est maman ou papa, sûrement. Marianne. Tu crois qu'elle est morte, la cousine Emma ? Francine. C'est pas probable. Marianne. On va pas être obligé d'y aller. Francine. J'espère que non. Au téléphone. Allô ? Allô ? Ah, bonjour, maman. C'est Francine, oui. Alors ? Ah. Ah. Elle continue à écouter, mais elle pose la main sur l'appareil et elle dit à Marianne. Elle est morte vers minuit, une heure après leur arrivée. Elle continue à écouter. Au téléphone. Oui. Oui, oui, évidemment. On l'enterre à Poitiers ? Ah. Et on la transporte quand, à La Rochelle ? Ce soir. Ah, ah. Tu n'es pas trop fatigué d'avoir veillé toute la nuit ? Papa et tante Mireille non plus ? Olivier apparaît. Olivier. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est clamsée, la vieille bique ? Marianne. Oui, chut. Francine continuant à téléphoner. Bien sûr, je comprends très bien. Elle met la main sur l'appareil et dit à Olivier. Ils sont obligés de rester. Olivier. Tous les trois ? Maman aussi ? Francine. Oui. Olivier. Jusqu'à quand ? Francine. Jusqu'à demain matin. Marianne. À cause d'Emma ? Francine. À cause d'Emma, et puis tu sais bien qu'il faut qu'il ramène une bonne. Olivier. Alors sans blague, on va être seul ? Francine à l'appareil. Oui, oui, oui. À Olivier. Il y a ta mère qui voudrait que nous venions tous. Olivier. Elle est folle ? Si elle est là, dis à tante Marcel qu'elle me la passe. Signe d'acquiescement de Francine à Marianne. Non, mais tu te rends compte ? Francine à l'appareil. Pour cette question-là, vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous pouvons très bien nous passer de domestique pendant 24 heures. Pas du tout, pas du tout. Mais ne te tracasse donc pas pour des histoires pareilles, surtout en ce moment. Augustine était devenue absolument imbuvable et je suis bien contente qu'elle ait déguerpi hier soir. Ça aurait été terrible une journée sans vous avec cette mégère dans la maison. Mais tu auras sûrement le temps de trouver une femme convenable d'ici demain matin et vous la ramènerez avec vous. Mais oui, va au bureau de placement de la rue Poincaré, c'est le meilleur. Pendant ce temps, la porte de gauche second plan s'est également entrouverte et ça a été le tour de Pernette de passer sa tête. Pernette. La cousine Emma ? Olivier, geste du faucheur. Oui. Pernette. Ah, Francine à l'appareil. Écoute, maman, veux-tu dire à tante Mireille de prendre l'appareil ? Elle pourrait peut-être parler à Olivier, c'est ce qu'il y aurait de plus simple. Oui, c'est ça. Non, c'est Francine. Bonjour, ma tante. Vous n'êtes pas trop lasse ? Tant mieux. Oui, naturellement. Voici Olivier. Au revoir, tante Mireille. Marianne à Olivier. Arrange-toi pour qu'on n'y aille pas, hein ? Olivier, tu penses ? Il s'empare du récepteur. Francine a pris l'autre écouteur. Bonjour, maman. Oui, oui, tout le monde va bien. Il écoute une seconde, puis... Ah, non, non, ma petite maman. Oh, non. C'est entendu, mais il y a toi, il y a tante Marcel et l'oncle Henri. Comme ambassade funèbre, ça me paraît largement suffisant. Oh, on ne l'a pas vue trois fois dans notre vie, la cousine Emma. Oh, et puis il y a autre chose. Tu ne te rends pas compte qu'il ne nous reste que 8 jours de vacances. Et d'ailleurs, je suis certain qu'oncle Henri et tante Marcel sont de mon avis. Ah, ah, tu vois bien. Ils sont beaucoup moins formalistes que toi. Mais quoi, nous laisser seuls ? Nous n'avons plus 5 ans. De quoi est-ce que tu as peur ? Mais oui, naturellement, nous serons sages. Mais c'est évident, voyons. C'est ça. Au revoir, maman. Je t'embrasse. Tout le monde t'embrasse. Tu es un amour. Je t'adore. Tout le monde t'adore. À demain. Il raccroche. Ouf! Et aussitôt, ils se mettent à danser une espèce de farandole autour de la pièce en chantant, puis ils s'arrêtent et poussent en chœur un hurlement de sauvage. Bernette. Et Bernard qui dort encore! Olivier. On a la veine d'être orphelin et il dort. Francine. Je t'en prie, Olivier, tu as de ces mots? Olivier. Oh, toi, tu ne vas pas commencer à faire ta mère de famille. Marianne. On va le réveiller? Olivier courant vers l'escalier. On fanfare, oui, Bernette. Il n'aime pas ça, mais enfin. Olivier. Justement. Francine. Non, pas justement. Laissez-moi y aller. Moi, j'ai l'habitude. Quand on l'éveille en sursaut, il a mal à la tête toute la journée après. Olivier. Ce pauvre trognon. Marianne. Quoi? On ne va pas le tuer, ton frère? Francine. C'est le tien autant que le mien, dis donc. Marianne. Tu ne feras jamais croire ça à personne. Bernette. Chut, chut. Il ne faut pas qu'il nous entende arriver. Olivier. Elle a raison. Chut, chut. Ils disparaissent sur la pointe des pieds. Une seconde de silence, puis un hurlement général, des cris, des rires, et aussitôt on les voit réapparaître, chassant devant eux Bernard. Celui-ci proteste violemment. C'est un grand garçon de 16 ans qui a poussé trop vite, maigre, dégingandé, les cheveux dans les yeux. Visiblement, il a fallu un coup de force pour le tirer du lit. Sous l'empire de la colère, de l'excitation ou de l'émotion, il bégaye légèrement. Sur la veste de son pyjama, beaucoup trop court, il porte un chandail beaucoup trop large. Bernard, vous êtes des cochons, des cochons, je le dirai à papa. D'abord, Francine, je suis fâché avec toi. J'avais déjà un rhume de cerveau, Olivier. De cerveau, il se vante. Bernard, oh, toi, tu es un lâche, alors. Et maintenant, je vais avoir la migraine, je ne pourrai pas travailler. Les autres se tordent. Oui, eh bien, ma version latine, c'est vous qui me la ferez, peut-être. Bernard, tu voudrais bien, Bernard, ou toi aussi. Toi aussi, Bernette. Quoi, moi aussi? Bernard, je ne te parle plus. Bernard, quelle chance, Francine. Ne sois pas ridicule, mon chéri. Bernard, je serai ridicule si ça me plaît, Olivier. Ah oui? Eh bien, écoute, mon chéri. Moi, je te donne 5 secondes pour te dérider. Si dans 5 secondes, tu présentes encore à l'admiration générale ta bobine de petit imbécile, je te colle en quarantaine et tu ne sauras rien de ce qui vient de se passer. J'ai dit. Bernard, tu as dit. De quel droit est-ce que tu commandes ici? Olivier, 1, 2, 3. Bernard, sale type, va. Olivier, 4, 5. Out, c'est fini, il ne saura rien. Vous avez compris, les filles? Pas un mot. Ça lui apprendra à être aimable. Bernard, mais à la fin, qu'est-ce que vous avez tous? Olivier, nous n'avons rien. N'est-ce pas? Bernard, nous n'avons rien. Marianne, absolument rien. Bernard, Francine, qu'est-ce qui se passe? Francine va pour parler. Olivier, Francine? Francine, il ne se passe rien. Olivier, voilà, Marianne et Bernette, et voilà. Bernard, je les connais, vos histoires d'énergumènes, Marianne. Alors, si tu les connais, tout va bien? Olivier, qui est-ce qui s'occupe du café au lait? Francine qui ouvre les volets. Moi, Marianne, je t'aide, Francine. Francine, si tu veux aller chercher le lait chez le père Gontier pendant que j'allume le fourneau, ce sera parfait. Marianne, entendu. Elles sortent toutes les deux. Olivier, Bernette, tu mets la table? Oui. Bernard, et le... Pacha ne fait rien, naturellement. Olivier, moi, je vais faire griller le pain au feu de bois. Bernard, ce sera du propre. Olivier, oui, eh bien, vous verrez ce que vous verrez. Enfin, quand je dis vous, pas Bernard, parce que Bernard n'en aura pas. Bernard, tu sais ce qu'il te dit, Bernard? Olivier, non. Bernard, il te dit... Bernette, Bernard! Olivier, laissez, marquise, c'est un enfant. Bernette va prendre une nappe. Bernard, tu ne veux pas que je t'aide, ma petite Bernette? Je ne suis pas ta petite Bernette. On t'a mis en quarantaine, je te défends de me parler. Évidemment, il suffit qu'Olivier dise quelque chose. Et après, je le déteste, Olivier. Tiens, c'est nouveau. Ce matin, je le déteste. Ça se comprend. Il est tellement mieux que toi. Toi, Bernette, Olivier, c'est quelqu'un. Bernard, alors tu l'aimes mieux que moi, Olivier? Ben dis donc... Olivier, c'est mon frère. Bernard, Francine et Marianne aussi, ce sont mes sœurs. Ça n'empêche pas que je les aime moins que toi. C'est ça, le charme. Bernette, c'est que tu es un frère dénaturé. Bernard, Olivier est ton frère, mais moi, je suis ton cousin. Bernette, c'est ce que je dis, tu n'es que mon cousin. Bernard, et ton fiancé. Bernette, mon fiancé. J'aimerais mieux mourir que de me marier avec toi. Ah, tu es gentil, tu es gentil. Bernard, du reste, on ne se marie pas entre cousins, c'est très mauvais pour les enfants. Bernard, ah oui, et maman, elle n'a pas épousé son cousin, peut-être? Bernard, le regardant, aussi, quel résultat? Bernard, Hier soir, quand je suis allé te dire bonsoir dans ton lit, tu m'as promis que tu n'aimerais jamais que moi. Oh, je devais dormir. Tu m'as même dit, tous les deux, on sera comme Musset et George Sand. Bernette, oui, mais heureusement pour moi, je ne suis pas George Sand, et malheureusement pour toi, tu n'es pas Musset. Bernard, enfin, on n'a pas le droit de changer comme ça sans raison, du soir au matin. Bernette, que veux-tu, les femmes, mon cher? Bernard, mais qu'est-ce que je t'ai fait? C'est vrai, ça, je suis toujours la victime ici. Je te ferai remarquer que tu ne m'as même pas embrassé ce matin. Il ne manquerait plus que ça. Dis-le-moi alors ce que je t'ai fait. Si je t'ai fait quelque chose, je te demanderai pardon et ce sera fini. Bernette, primo, tu n'arrêtes pas d'être de mauvaise humeur avec tout le monde. Bernard, pas avec toi, c'est faux. Secondo, tu deviens vulgaire. Tout à l'heure, tu as failli dire un certain mot à Olivier. Tu sais parfaitement que je déteste les mots grossiers. Je ne peux pas expliquer ce que ça me fait, c'est physique. Oh, Olivier en dit bien, lui. Toi, c'est toi, et Olivier, c'est Olivier. D'ailleurs, vaudrait beaucoup mieux imiter ce qu'il a de bien que ce qu'il a de mal. Admettons. Et c'est tout. Tertio, tu as de nouveau couché avec ton chandail. C'est dégoûtant. Tu transpires toute la nuit là-dedans, et ensuite, tu sens mauvais. Je sens mauvais, moi? Tu sens mauvais. C'est comme pour ta fenêtre. Tu as encore dormi avec ta fenêtre fermée. Pardon. Bernard ne ment pas. Mais ma zoupinette, si j'ai froid. Il y a des natures qui ont chaud et des natures qui ont froid. Moi, je suis une nature qui a froid. Tu es un maniaque. Je ne suis pas un maniaque. J'aime mon petit soin-soin, voilà tout. Ton soin-soin. Oui, mon petit confort, ma petite câlinette, mon petit soin-soin. Bernette levant les bras en l'air. Son soin-soin. Bernard, ça ne fait de tort à personne. Bernette, si tu crois que c'est en t'occupant de ton soin-soin que tu passeras ton bac dans un mois, tu as déjà collé en juillet, ça devrait te suffire. Son soin-soin. Tu leur parleras de ton soin-soin aux examinateurs, tu verras comme ils seront contents. Bernard, je t'ai déjà expliqué que si j'ai collé en juillet, ça a été la faute de la composition française. Que ce soit pour une chose ou pour une autre, non, parce que le sujet, c'était expliquer et commenter ce jugement de Sainte-Beuve sur La Rochefoucauld, il était plus philosophe que peintre. Et alors? Alors, j'ai commencé ma copie en avouant très loyalement que je n'avais jamais vu les peintures de La Rochefoucauld. Et alors? Alors, ils m'ont mis à zéro. Bien naturellement, tu es un idiot. Pourquoi? Parce que même si tu ne les avais pas vues, ces peintures, tu n'avais pas besoin de le leur dire. Pas du tout. J'ai exprimé un regret sincère. Moi, je voudrais avoir vu les peintures du monde entier, de tous les temps, de tous les peintres. La peinture, c'est la seule chose qui m'intéresse. Mais ce n'est tout de même pas ma faute si au musée de Poitiers, il n'y a pas une seule toile de La Rochefoucauld. Seulement, moi, je m'en moque. Parce que tu verras le peintre que je deviendrai un jour. Et qui sait qui sera embêté? Ce sera celui qui m'a mis un zéro. Bernette, tu sais que je n'épouserai jamais un peintre. Parce que les peintres reçoivent chez eux des modèles qui se mettent tout nus et que c'est une chose que je ne pourrais pas supporter. Tu serais jalouse? Peut-être. De moi? Je parle en général. Eh bien, c'est toi seule que je peindrais toute nue. Tu es contente? Moi? Si tu crois que lorsque je serai mariée avec toi, je me montrerai toute nue, tu peux toujours courir, mon garçon. Et si je te promettais de ne peindre que des paysages? On dit ça. En tout cas, tu peux m'embrasser maintenant. Ce que tu es fatigant. Embrasse-moi, Bernette l'embrassant. Tiens, là, merveille de la nature. Olivier entre, suivi de Marianne et de Francine. À table. Ah, mes enfants, quel boulot. Bernette, tu lui as dit que la mère Cornu était morte et qu'on restait seul jusqu'à demain? Bernette, non. Bernard, la cousine Emma est morte? Francine, oui, à minuit, Bernard. Et on n'y va pas, Olivier? Tu es malade? Ben, tu ne vas pas pleurer, il n'y a pas de quoi être triste. Tiens, prends de la confiture, ça te consolera. Bernard, oui, il se sert. Moi, la mort, ça m'attriste toujours. Et quand je pense à la cousine Emma, je me dis que... Il mord dans sa tartine. On ne l'a pas fait assez cuire. Olivier, Emma? Bernard, la confiture, idiot, elle est aigre, Olivier. Ah, bien, c'est dommage. Je trouvais ça drôle, moi, cette idée de n'avoir pas fait assez cuire la cousine Emma. Francine, oh, écoute, Olivier, tais-toi, Olivier. Qu'est-ce qu'il y a, Bernard? Francine a raison, tu es indécent, Olivier. Allons, bon, Marianne. C'était pourtant un être immonde, la mère Cornu, on a le droit de le dire. Bernette, infecte. Elle a laissé son fils s'engager dans la Légion étrangère pour n'avoir pas à payer ses dettes. Elle a fait ça, Olivier. Entre autres, oui. Bernard, elle est morte. Laissez-la en paix. Olivier, mais mes enfants, vous ne connaissez pas les histoires de la mère Emma Cornu, pas possible. Bernard, non. Francine, quelles histoires? Marianne, l'histoire du mariage de sa fille. Francine, non. Marianne, mais si, Francine, rappelle-toi. Olivier, quand elle a marié sa fille, le jour des noces, elle ne voulait inviter personne. Et puis tout de même, à la fin, elle a été obligée. Alors, elle est allée commander une bouteille de champagne ferme et une demi à condition. Ils rient tous, Bernard. Oh, penses-tu, Olivier, textuel. Et quand son mari est mort, Marianne, oh, laisse-moi la raconter, celle-là. Olivier, vas-y, Marianne. Quand son mari est mort, elle est allée au cimetière et comme elle trouvait que le terrain était trop cher, elle n'en a acheté qu'un mètre. Bernard, un mètre? Olivier, oui, et elle l'a enterré debout. Francine, c'est révoltant. Olivier, maintenant vous comprenez peut-être pourquoi j'estime que nous avons le devoir de rigoler. Marianne. Tu as oublié l'histoire de Bernardo, Bernard. Qui c'était Bernardo, Olivier? Son secrétaire privé, Marianne. Privé? De rien. Francine, Marianne et Olivier rient. Olivier, je ne l'ai pas oublié, mais celle-là, je ne peux pas la raconter devant Pernette. Pernette, pourquoi? Dirait-on pas que je suis encore vierge? Olivier, hein? Pernette, ce serait d'ailleurs malheureux si à 15 ans, j'étais encore vierge. Bernard, est-ce que tu n'es pas devenue folle, toi, par hasard, Marianne? Mais si, elle est folle, ne l'écoutez pas. Francine, tu ne sais pas ce que tu racontes, Pernette. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu n'es plus vierge? Pernette, ben, je veux dire que je comprends tout ce qu'on dit. Vous êtes inouïs tous, Olivier. Ah bon, ça va mieux, Bernard. Moi aussi, Pernette. Mais qu'est-ce que vous avez, Francine? Ne fais donc pas attention, ils sont grotesques. Ah, Olivier, tu n'as tout de même pas imaginé sérieusement que cette petite... Pernette, voilà que je suis une petite à présent, Olivier. Pourquoi? On ne sait jamais. Oh, ce n'est pas que j'attache à la virginité des filles un caractère sacro-saint. Il est entendu que Pernette deviendra un jour plus ou moins grue, comme toutes les autres. Mais j'aime autant que ce soit le plus tard possible. Bernard, toi, je te défends de dire des choses pareilles. Tu m'entends? Olivier, oui, papa, Francine. Le fait est que tu exagères. À force de vouloir être cynique, tu finis par manquer de goût, mon ami. Olivier, le cynisme est une attitude qui réussit toujours. Je veux dire qu'elle réussit toujours à tromper celui qui vous juge. Tac. Marianne, de qui est-ce? De moi. Compliment. Très touché. De rien. Olivier se levant. Oh, oh, le gynécée est chatouilleux ce matin. Les journaux sont arrivés? Francine, oui. Olivier, mille grâces. Il prend un journal, s'enfonce dans un fauteuil et commence à lire. Francine, Marianne et Pernette débarrassent la table. Francine. Bernard, va prendre ta douche, mon coco. J'ai le temps. Je t'en prie, écoute-moi quand je te dis quelque chose. Sinon, tu seras encore à midi dans le cabinet de toilette. Je te connais. Bernard se dirigeant vers l'escalier. Ben, vrai, c'était pas la peine que maman reste à Poitiers. Marianne et Pernette sortent. Francine. Et puis, il faudra recommencer tes piqûres. Tu as de nouveau des boutons sur le nez, tu as vu? Bernard sur l'escalier. Ah, non, non, plus de piqûres. Je préfère avoir des boutons que de me faire faire des piqûres. Parce que les piqûres, c'est moi qui les reçois, tandis que les boutons, ce n'est pas moi qui les regarde. Francine, oui, eh bien, en attendant, je t'en ferai une avant le déjeuner. Olivier, j'aimerais bien que tu te grouilles un peu, toi aussi. Olivier, tu as une réception? Francine, nous allons à Châtellerault pour le marché. Olivier, comment nous allons? Toi et moi? Oui. Flûte, alors, demande à Bernard de t'accompagner. Mais Bernard viendra aussi, je n'ai pas trop de vous deux. Bernard, ah, non, pas moi, j'ai ma version d'hier à recommencer. Ah, après, je me ferai engueuler par papa. Francine, tu as toute l'après-midi pour ta version. Bernard, c'est ça. Les réjouissances continuent. Olivier à Francine. Emmène Marianne et Pernette, tu conduis la vieille Peugeot aussi bien que moi. Francine, je regrette, mais Pernette et Marianne vont s'envoyer le ménage de toute la maison, ça leur suffira pour une matinée. Olivier, oh bon, bon, on ira. Francine sort. Quelle barbe! Bernard, tu parles. Olivier, en revenant de Châtellerault, je te fais une partie de ping-pong. Bernard, on sera fatigué. Olivier, tu seras fatigué. Sûrement, oui. Olivier, eh bien, ça ne te changera guère. Tu es drôle. C'est le propre de l'homme d'être fatigué. Tu n'as pas honte? Mais la vie, mon vieux, ça fatigue. Olivier, va te laver, tiens, tu me dégoûtes. Bernard sortant. Et puis, tu sais, moi, les sports. Marianne, qui est entrée sur les dernières répliques. On fera une partie tous les deux. Olivier, merci bien, tu joues comme une lavette. Marianne, tu es aimable. Olivier, jamais entre les repas. Marianne, quand m'invites-tu à déjeuner? Pour. Pour voir. Quoi? Comment tu es quand tu es aimable? Olivier hausse les épaules et se plonge dans son journal. Marianne. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Olivier. Ben, comme toujours, la République. Enfin, en principe. Et à part ça? Rien, on se casse la gueule un peu partout. Parce que? Comment parce que? Parce que quoi, on se casse la gueule? C'est à moi que tu demandes ça? Mais comment veux-tu que je te réponde, ma pauvre fille? Je n'en sais rien, je n'y comprends rien. Personne n'y comprend rien. Marianne, un futur diplomate, ça devrait pourtant avoir des idées sur la politique. Olivier, on n'a pas besoin d'avoir des idées pour être diplomate, au contraire. Marianne, ça c'est un mot, ça ne signifie rien. Olivier, erreur, erreur. Nous sommes à une époque où il n'y a que les mots qui signifient quelque chose. Marianne, ainsi tu n'as aucun sens politique. Oh, le sens politique, ma vieille, ça consiste à savoir faire dans la vie publique des actes qui, dans la vie privée, vous conduiraient tout droit en prison. Alors, et qu'est-ce qu'ils en disent, tes journaux? Lis-les. Marianne, pas si bête. J'aime trop la vie pour qu'ils me l'abîment. Olivier, tu aimes ta vie? Celle que j'ai, et surtout celle que j'aurai, oui. Tu estimes que notre génération a de la veine, peut-être? Pas follement, non, mais je pense qu'il suffit d'aimer les choses pour faire du bonheur avec. Quand tu as envie d'un plat et que tu en manges avec plaisir, même s'il est indigeste, il y a beaucoup de chances pour qu'il ne te fasse pas du mal. Olivier. Et avec Poitiers, les vieilles pierres de Poitiers, la famille de Poitiers, les repas d'anniversaire, les soirées de la préfecture, le cinéma hebdomadaire, les tournées miteuses et les conférences mensuelles, avec les gueules qu'on rencontre quatre fois par jour sur le même trottoir, les pique-niques du dimanche, le tennis du jeudi, les étés à Bonneuil, tu fabriques du bonheur. Surtout avec les étés à Bonneuil, certainement. Olivier, je reconnais que c'est encore ce qu'il y a de mieux, et même que c'est pas mal. Marianne, oui, on est ensemble. Olivier, seulement il y a 18 ans qu'on est ensemble. C'est un bail. Tu trouves que c'est trop? Tu n'es pas exigeante. Hein, qui sait? Olivier, moi j'avoue que j'ai besoin de changer d'horizon. Marianne, ce sont pourtant les gens qui t'aiment le plus, ton horizon. C'est entendu. Marianne, d'ailleurs je ne comprends pas de quoi tu te plains, tu pars dans 3 semaines pour Paris. C'est long, 3 semaines. Tu t'ennuies donc avec nous cette année? Pourquoi insistes-tu sur cette année? Je ne sais pas. Il me semble que tu étais différent les autres années. Comment étais-je? Plus près de nous, plus tendre. Je n'ai plus 18 ans. Tu en as 19. Et demi. C'est pareil. On en apprend des choses entre 18 et 20, tu sais. Marianne, sauf un coup de chance, c'est généralement assez laid ce que croient apprendre les garçons de ton âge. Et les choses laides n'apprennent jamais rien à personne. Optimiste, va. Marianne, avec moi aussi tu t'ennuies? Mais ce n'est pas exactement que je m'ennuie. C'est quoi alors? J'ai envie de changer, voilà. Je croyais que tu n'aimais que la pêche à la ligne. Quel rapport? Un pêcheur à la ligne, c'est en général un monsieur qui reste à la même place. Comme tu es intelligente. Marianne, à propos de pêche à la ligne, je te serais très reconnaissante de débarrasser la baignoire des poissons rouges que tu as collés dedans, parce qu'il y a 3 jours que je n'ai pas pu prendre de bain. Olivier, à quoi te servirait-il de prendre des bains, puisque tu ne sais même pas te laver les oreilles? Je ne me lave pas les oreilles, moi! C'est toi qui me l'as avoué. C'est vrai d'ailleurs, j'ai horreur de me laver les oreilles. Tu as des raisons intimes? Je ne sais pas, ça me donne des gousigous dans la colonne vertébrale, c'est affreusement désagréable. Olivier, quand tu aimeras un homme et qu'il t'embrassera dans l'oreille, primo, tu seras bien obligé de la nettoyer, et secondo, tu viendras me dire si les gousigous que ça donne sont désagréables. Marianne, essayons. Quoi? Les baisers dans l'oreille. Je te jure qu'elle est propre, regarde. T'es pas un peu louve par hasard? Marianne, pourquoi? Ça ne te dirait pas de m'embrasser? Je n'y ai jamais réfléchi. Ah, il faut réfléchir avant d'embrasser une femme. Souvent. Alors, réfléchis-y. Et puis, tu n'es pas une femme. Ah, vraiment? Non. Il se replonge dans son journal. Puis, il le rejette. Ah, tiens, tu as raison, on devrait lire les journaux avant de manger. Ça vous couperait peut-être l'appétit, mais au moins, on aurait pas mal au cœur. Marianne. Oui. Olivier. Sais-tu à quoi je pense? Non, mais je vais le savoir. Marianne, je pense que ce sont peut-être les derniers jours de notre existence où nous sommes comme ça, tous les deux. Pourquoi les derniers? Tu vas aller à Paris, finir ton droit, entrer aux Sciences Po, préparer les affaires étrangères. Après, tu quitteras la France. Ah, sûrement. Tu vois, c'est la vie. Marianne, et si je demandais à papa et à maman de m'envoyer à Paris pour faire une licence? Quelle licence? N'importe, celle de philo, celle de droit. Je te préviens que je n'aurai pas le temps de te voir beaucoup. Ce sera toujours mieux que rien. Olivier Duras, je suis bien tranquille tant que Marcel ne marchera pas. Marianne, c'est papa que je persuaderai. Essaye alors, qu'est-ce que tu risques? Je ne sais pas, moi, si par hasard ça ne te faisait pas plaisir, à toi, si tu avais envie d'être complètement seul. Je te l'ai dit, je serais très pris, mais il n'y a aucune raison pour que ça ne me botte pas que tu sois à Paris. Alors, ça te ferait plutôt plaisir. Mais naturellement, voyons. Marianne, qu'est-ce que tu as à me regarder? Tu as quelque chose de changé, toi. Marianne, oui, qu'est-ce que c'est? Devine. Ta coiffure, elle te plaît? Pas du tout. Et même, je ne voudrais pas te blesser, mais je la trouve passablement ridicule. Marianne, tu n'as aucun goût. Olivier, si c'est d'avoir du goût que de se coiffer de cette manière-là, je préfère ne pas en avoir. Tu as une façon de ne pas vouloir blesser les gens. Tu me demandes mon avis, je te le donne. Sur ce, je vais aller bichonner mes formes adorables. Si tu veux vraiment prendre un bain, je ne saurais trop te conseiller la rivière. J'y ai été hier soir, c'est divin. Marianne, à première vue, il paraîtrait plus normal que tu réserves la rivière à tes poissons et la baignoire aux gens de ta famille. Qu'est-ce que tu en penses? Olivier, je te fais remarquer que tu me demandes encore une fois mon opinion. Oui, je te la demande. Olivier, sortant. Eh bien, j'en pense que tu as un esprit affreusement trivial. Voilà. Il est entré dans sa chambre, mais il ressort la tête. Autrement dit, tout à fait conforme à ta coiffure. J'ai bien l'honneur. Il ferme sa porte. Marianne se jette rageusement dans un fauteuil. Marianne, mufle, mufle, c'est un mufle. Elle a des larmes dans les yeux. Entre Pernette. Elle court vers Marianne. Qu'est-ce que tu as, Marianne? Tu as mal? C'est encore tes crampes d'estomac? Oui, c'est mon estomac. Qu'est-ce que je peux faire? Tu veux une boule chaude? Tu veux... Non, ça va passer. Nous avons trop d'organes. On ne peut pas s'en tirer. Et avec un cœur par-dessus le marché, tu te rends compte. Pernette, c'est Olivier, hein? Mais non. C'est Olivier, dit. C'est Olivier seulement ou l'estomac est Olivier? Marianne, Olivier seulement. Je vais même t'avouer une chose que je n'ai encore dite à personne, je n'ai jamais eu mal à l'estomac de ma vie. J'ai un estomac de bronze, un estomac de granit, un estomac de curé. Seulement, comme j'avais souvent envie de pleurer quand Olivier me faisait de la peine devant les gens, j'ai inventé la crampe d'estomac. Pernette, qu'est-ce qu'il t'a fait encore? Rien, toujours la même chose, il ne m'aime pas. Qu'est-ce que tu en sais? Oh là là, ce que j'en sais, eh ben. Pernette, qu'est-ce qu'il en sait lui-même? Marianne, il le cache bien en tout cas. Pernette, ça arrive, Marianne. Mais pourquoi le cacherait-il? Qu'est-ce que ça signifie alors? Je le lui montre assez, moi, que je l'aime. Depuis que je suis haute comme ça. Justement? Quoi justement? Tu le lui montres trop. Trop? Naturellement. Je le connais, Olivier, tu sais. Je le connais mieux que personne. Peut-être qu'il t'aime, c'est même très probable qu'il t'aime. Seulement, il ne s'en rend pas compte. Marianne, comment peut-on ne pas se rendre compte qu'on aime? Pernette, on ne se rend pas compte qu'on possède des oreilles tant qu'on ne devient pas sourd. Olivier, il te considère comme une chose à lui, une chose qu'il n'a pas besoin de désirer pour avoir. Alors il croit que tu ne l'intéresses pas. Tous les hommes sont comme ça. Marianne, souriant. Tu en as une expérience? Pernette, oh non. Mais tu vois, moi, on s'imagine que je suis comme les autres. Et pourtant... Oh, ce n'est pas que je réfléchisse ou que je sois savante, parce que d'abord, je ne suis pas très intelligente. Par exemple, toi, tu es bien plus intelligente que moi, ni que je lise des livres. Je fais semblant de lire, ça oui, pour qu'on me laisse tranquille. Mais j'ai horreur de lire, ça m'ennuie. Non, moi, je vois des choses, ou plutôt, je les entends, au-dedans de moi, et je les écoute. Tu es surprenante, toi, on croit te connaître, et puis... Ben, tu vois, c'est comme toi pour ton estomac. Moi, je n'avais encore dit ça à personne. Mais je suis comme ça. C'est peut-être parce que je mourrai très jeune. Qu'est-ce que tu dis? Oui, oui, j'en suis certaine. Il y a des moments, c'est bizarre, hein, où j'ai l'impression que j'ai déjà commencé à mourir. Il faudrait un rien pour qu'elle s'arrête tout à fait, ma vie. Comme si ça ne dépendait que de moi. Peut-être qu'un jour, je laisserai ma vie s'arrêter. Je ne veux pas que tu racontes des choses pareilles, voyons. Pernette, pourquoi? Tu as peur de la mort, toi? Oh oui, très peur. Pas moi. Ça ne te ferait rien de mourir? Non. et de nous laisser et de ne plus nous voir, ni moi, ni Olivier, ni Bernard, ni Francine, ni personne. Bernette, je ne saurais même plus que vous existez puisque je serais morte. Marianne, oui, mais juste avant. Ah, juste avant, bien sûr. Surtout si on pouvait rester toute la vie comme nous sommes maintenant, ensemble. Mais ça ne durera pas, ça ne peut pas durer. Et ce sera un peu comme si j'étais morte. Marianne, c'est vrai ça. On sera séparés et ce sera comme si on était morts les uns pour les autres. Bernette, si encore on pouvait rêver toute sa vie, alors la vie ne serait jamais assez longue. Soudain, un grand bruit qui les fait sursauter. La porte d'Olivier s'ouvre et celui-ci, en peignoir de bain, portant un tub et un broc plein d'eau, sort de sa chambre et traverse vers le fond. Marianne à Olivier. « Qu'est-ce que tu fais ?» Olivier. « Bah tu vois, je flanque de l'eau partout. » Bernette. « Où vas-tu ?» Olivier. « Prendre mon tub. » Marianne. « En plein air ?» Olivier. « Oui. » « Qui m'aime me suive ?» Bernette. « Mais personne ne t'aime ici, mon garçon. » Olivier. « Ah vraiment ?» Et il sort. Marianne. Et avec ça, vaniteux, madame. Bernette. Tu sais ce qu'il faudrait? Non. Faudrait le rendre jaloux. De moi? Bernette. Que tu es sotte, pas de moi, bien sûr. Marianne. Et de qui diable veux-tu que je le rende jaloux? Il n'y a personne ici. Heureusement. Quoi, heureusement? Mais oui, parce que s'il y avait d'autres garçons avec nous, on en aurait pris un, fatalement, et on aurait raté son coup. Olivier, il a une grande idée de lui-même, vois-tu. Il a un orgueil fou, Olivier. Un type qu'il connaît très bien, qu'il regarderait vivre tous les jours, jamais il n'en tomberait jaloux. Jamais, non. Ce qu'il faudrait, c'est... Oui. C'est... Inventer quelqu'un. Comme ça, on serait sûr qu'il ne pourrait pas le rencontrer et par conséquent, pas le critiquer. Il se battrait avec un fantôme, comprends-tu? Marianne, si tu crois que c'est commode d'inventer quelqu'un... Bernette, c'est rien du tout. Quand on était gosses, on passait notre temps à inventer des personnages et puis à faire comme si nous étions eux et puis à jouer avec. Mais où? Où veux-tu que je l'ai connu, mon soi-disant amoureux? Bernette, eh bien, quand je vous ai accompagné à Versailles, ta maman et toi, au printemps. Marianne, on n'y restait que 2 semaines. Bernette, 2 semaines, ça suffit pour tomber amoureux de quelqu'un. L'amour, c'est comme une embolie, ça vous prend tout d'un coup. Marianne, oui, à part qu'une embolie, ça vous arrête le cœur, tandis que l'amour... Bernette, enfin, tu vois ce que je veux dire. Moi, je sais bien que si un jour je me mets à aimer un homme, ce sera comme ça, en une seconde. Marianne, bon, admettons. Alors, on l'aurait rencontré à Versailles. Tu le connaîtrais aussi, toi? Oui, c'est mieux, je pourrais t'aider. Marianne, et maman aussi le connaîtrait? Bernette, ah non, non, non. Il t'aurait abordé dans la rue. Marianne, oh, Bernette. Eh bien oui, l'amour, tu comprends. Marianne, et je lui aurais répondu? Bernette, naturellement. Et il t'aurait donné des rendez-vous. Tu m'as emmené au premier parce que tu étais intimidée, Marianne. Très bien, ça. Et comment est-il? Bernette. Brun avec des yeux marrons. Marianne. Ah non, vert les yeux. Brun avec des yeux verts, Bernette. Si tu veux. Quand il parle, on ne sait jamais s'il est sérieux ou s'il plaisante, Marianne. Il penche un peu la tête pour vous écouter. Il a un porte-cigarette en cuir, très long. Il ne fume que des cigarettes très douces parce qu'il est tout le temps avec des femmes, Bernette. Il porte toujours un foulard rouge. Marianne, tu aimes le rouge, toi? Bernette, c'est lui qui aime le rouge. Il a le teint bronzé, alors ça lui va bien et il le sait. Marianne, il n'est pas fat, cependant. Bernette, pas fat, mais il sait qu'il plaît, Marianne. Il plaît beaucoup et il s'habille bien. Il va chez les plus grands tailleurs. Ça touchera terriblement Olivier parce qu'un snob comme lui, il n'y en a pas deux. Bernette, oui, il faudrait avoir un nom de tailleur. Ça ferait plus vrai. Tu en connais, toi, des noms de grands tailleurs à Paris? Marianne, non. Pour une femme, ce serait plus facile. Bernette, bon, tant pis, ne perdons pas de temps. Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il fait? Bernette, oui, dans la vie, son métier. Il a un métier. Avocat? Marianne, oh non, ce n'est pas assez... C'est trop... Bernette, ingénieur? Marianne, non, non, il faudrait trouver quelque chose de plus... Ah, je sais! Quoi? Aviateur. Aviateur, tu crois? Oui, aviateur. Il a son avion à lui et nous serions allés voler avec lui en cachette. Où ça? Marianne, ben à Orly, c'est là où sont tous les aviateurs. Bernette, tous, tu es sûr? Marianne, absolument. Il nous attendait devant l'hôtel Trianon avec une Ferrari. Bernette, et on a filé à 160 à l'heure vers Orly. Marianne, avant de monter en avion, il nous a donné des imperméables et des serre-têtes avec des écouteurs. Il nous a attaché des parachutes. Bernette, des parachutes, oui, c'est plus prudent. Marianne. Et lui, il a passé une combinaison blanche, toute blanche, par-dessus ses vêtements. Il avait un serre-tête tout blanc aussi, Bernette. Mais il avait gardé son foulard rouge. Son foulard rouge, c'est son fétiche, Marianne. Et on a décollé, merde. C'était beau. Marianne. Et puis je l'ai revue toute seule, plusieurs fois, Père Nat, tous les jours, Marianne, tous les jours. Et un soir, dans le parc, il faisait presque nuit, il m'a embrassé sur la bouche, Père Nat. Oh non, pas sur la bouche, Marianne. Où veux-tu qu'il m'ait embrassé, Père Nat? Ah bon, sur la bouche alors. Marianne, c'était la veille de notre départ. Depuis, nous nous écrivons, j'ai gardé toutes ces lettres. Père Nat, et il doit venir te voir à Poitiers. À moins que je n'aille à Paris continuer mes études. Dans ce cas, Père Nat battant des mains et sautant de joie. Ça y est, ça y est. Marianne, idem. Ça y est. Père Nat, qu'est-ce qu'il va prendre, Olivier? Marianne, pour que ça colle, faut que Bernard et Francine marchent aussi. Père Nat, pas de doute, Marianne. Il faut même commencer par eux, Père Nat. Oui, et alors voilà ce que tu vas faire. Elle s'interrompt brusquement car Bernard est apparu sur le palier. Il est en tenue d'été. Bernard, pourquoi est-ce que vous vous taisez lorsque j'arrive? Je vous dérange? Marianne et Père Nat, pas du tout. Marianne, nous avions justement terminé. Bernard, qu'est-ce que vous aviez terminé? Marianne, ah voilà. Bernard, quoi voilà? Vous avez des secrets pour moi maintenant? Père Nat, maintenant? Pourquoi maintenant? Il y a longtemps qu'on a des secrets, Marianne et moi. Bernard, quels secrets? Marianne, si on te les dit, ce ne seront plus des secrets. Bernard, ce sont des secrets à Père Nat ou des secrets à Marianne? Père Nat et Marianne, ah, voilà. Vous êtes énervante à la fin. Pourquoi est-ce que tu me caches quelque chose, Père Nat? Père Nat, je ne te cache rien, Bernard. Ouf, encore des histoires de flirt et de trucs dans ce goût-là. Vous êtes ridicule, Père Nat. Si nous avons envie d'avoir des flirts, c'est notre affaire, dis donc, Bernard. Tu as un flirt, toi? Père Nat, je n'ai pas dit que c'était moi, Bernard. C'est Marianne qui a un flirt, Marianne. Pourquoi pas, Bernard? C'est nouveau, Marianne. Eh, pas si nouveau que ça, n'est-ce pas, Père Nat? Père Nat, non, pas nouveau du tout, même. Bernard, c'est Olivier, ton flirt, tout le monde le sait. On en rigole assez dans la famille, Marianne. La famille, si tu pouvais te douter comme je m'en fiche d'Olivier, mon pauvre ami. Bernard, tu te fiches d'Olivier, toi? Permettez-moi de ricaner un tantinet. Marianne, en attendant, ce n'est pas la peine de l'imiter, Olivier. Bernard, ça te va très mal, d'ailleurs. Bernard, je n'imite pas Olivier. Quand je vais lui dire que tu as un flirt, tu verras comment il fera, lui. Marianne, tu vois bien qu'on ne peut rien te confier sans que tu ailles tout de suite le raconter à Olivier. Bernard, parfaitement, je vais le lui raconter. Bernard, sale cafard, va. Bernard, vous avez peut-être le droit d'avoir des secrets, mais nous, nous avons le droit de rigoler. C'est ça, le charme. Marianne, eh bien rigolez, mes enfants, rigolez, Bernard appelant. Olivier, Olivier, Olivier. Entre Olivier, il est en peignoir de bain et il achève de se sécher avec une serviette. Bernard, Olivier, tu connais la nouvelle? Olivier, non. Bernard, il paraît que Marianne a un flirt. Olivier, Marianne a un flirt? Oui. Olivier, permettez-moi de ricaner un tantinet. Père Nat à Bernard, tiens, tiens, Marianne. Quoi, quoi? Vous êtes stupides tous les deux. Ce serait extraordinaire que quelqu'un m'aime et que je l'aime aussi, Olivier. Mais pas le moins du monde, mon Dieu, c'est trop naturel. Entre Francine. Tiens, tu arrives bien, toi, Francine. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Sais-tu ce que nous venons d'apprendre par les journaux du matin? Ta sœur Marianne est amoureuse. Et elle était aimée. Francine, de qui, Olivier? Voilà un point qui n'est pas encore tout à fait éclairci. Francine, nous le connaissons, Père Nat? Pas vous, moi je le connais. Olivier, toi, tu le connais, et nous, nous ne le connaissons pas. Père Nat, oui, Bernard. Et où est-ce que tu l'as connu, Marianne? Ça, ce sont nos oignons, n'est-ce pas, Père Nat? Père Nat, exactement, Francine. Grandadée que vous êtes, vous ne voyez pas qu'elle vous monte un bateau? Olivier, tu penses, il y a longtemps que nous l'avons vu. Père Nat, non, ce n'est pas un bateau. Pourquoi est-ce que ce serait un bateau, Marianne? Vous êtes inouïe, ma parole. Alors, il faudrait vous tenir au courant de tout, au jour le jour, Olivier. Laisse donc, les fleurs de Poitiers, tu imagines. Père Nat, ce n'est pas un fleur de Poitiers, Bernard. Et d'où alors? De bon oeil, peut-être? Olivier à Bernard. C'est peut-être de toi que ta sœur est amoureuse. Un inceste dans la famille. Mais c'est un drame noir, je vous dis. Francine, Olivier. Olivier. Ah, écoute, moi je ne vois que ça. À moins que ce ne soit le vieux père Gontier, faut choisir en ce bas monde. Marianne. Dirait-on pas qu'il n'y a que Poitiers et bon oeil, Père Nat? Nous ne sommes pas toujours restés à Poitiers, nous, n'est-ce pas, Marianne? Marianne, non, Olivier. Elles ont trouvé ça à présent. Et on dit que les voyages forment l'esprit. Bernard, c'est à Versailles que vous l'avez connu? Marianne, oui. Bernard. Et c'est aujourd'hui que tu nous le dis, Bernard. Si tu n'avais pas surpris notre conversation, jamais nous ne vous l'aurions dit, ni à toi, ni à personne, Marianne. Du reste, je ne vois pas pourquoi je m'en cacherais. Bernard, c'est juste, Francine. Et maman l'a su, Marianne. Ah non, et alors là, je vous prie de la boucler, Olivier. Oh, sois tranquille, Francine. Est-ce que nous pouvons savoir comment tu l'as connue, au moins, Marianne? Non, Bernard. Mais elle n'en sait rien elle-même, alors, Olivier. Mais si, un ange descendu du ciel, l'annonce faite à Marianne. Marianne, descendu du ciel, tu ne crois pas si bien dire, Pernette. Oui, Bernard, c'est un parachutiste. Marianne, quelquefois, n'est-ce pas, Pernette? Pernette, souvent, oui, Francine. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Marianne, ce n'est pas une blague. Bernard, ce sont des amis de maman qui l'ont présenté? Pernette, on ne le lui a pas présenté, Olivier. Il lui est tombé sur la tête, on te dit. Francine, non, sérieusement, Marianne. On t'a jamais abordé dans la rue, toi, Francine? À Poitiers? Jamais. Pernette et Marianne ensemble. Oui, oh, à Poitiers, naturellement. Olivier, tandis qu'à Versailles, ma chère, on vous aborde. On vous aborde tout le temps. Depuis Louis XV, on ne fait plus que ça. Francine, tu t'es laissé aborder par un inconnu? Marianne, oui, Bernard. C'est ignoble. Marianne, ça dépend de l'inconnu. Olivier, oh oui, Marguerite. Il lui a apporté des bejoux et elle s'est donnée. Marianne, imbécile. Pernette, en tout cas, c'est un homme, lui, un vrai. Bernard, quel âge a-t-il? Pernette, Marianne, 28 ans. Olivier, la fleur de la jeunesse française. Francine, et c'est un parachutiste? Marianne, c'est un aviateur. Olivier, c'est crevant, Bernette. Qu'est-ce que ça a de crevant d'être un aviateur? Olivier, mais rien du tout, Pernette. Si tu l'avais vu comme nous, dans son avion, quand il nous a donné le baptême de l'air à Orly, avec sa combinaison blanche et son serre-tête blanc et son foulard rouge. Olivier, oh, s'il a un foulard rouge, je ne dis plus rien, Bernard. Vous êtes monté en avion avec lui? Marianne, bien sûr. Francine, si maman savait ça. Olivier à Francine, non mais tu es folle toi, on te promène comme on veut alors. Francine, c'est qu'elles ont l'air de raconter la vérité. Olivier, vous me faites mal au ventre, tenez. Bernard, comment est-il? Bernard, il est grand, élancé, brun, avec des yeux marrons. Marianne, vert sombre. Olivier, il faudrait s'entendre. Est-ce qu'ils sont vert sombre ou est-ce qu'ils sont marrons, les yeux de l'aviateur? Marianne, vert. Bernard, après tout, moi je ne l'ai vu que deux fois, n'est-ce pas, Francine? Tandis que Marianne? Marianne, presque tous les jours. Olivier, comme il se doit. Quand on a la veine de rencontrer Adonis, qui est en même temps Bellérophon, on ne le voit pas deux fois par mois. Bernard, c'est ça le charme. Pernette, parfaitement. Et quand il nous a emmenés à Orly, dans sa Ferrari, Marianne, et qu'on faisait du 160 à l'heure, et qu'il avait passé son bras droit sur mes épaules, Bernard, il faisait du 160 et il avait son bras droit sur tes épaules, Olivier. Il avait même pris Pernette sur ses genoux et il tenait son volant avec ses pieds. Ça se fait couramment dans l'aviation. Francine à Marianne. Tu n'aurais pas dû donner ce détail-là, tiens, Marianne. Mais quoi? Qu'est-ce qui vous étonne? Qu'il méprise dans ses bras? Nous nous aimons, je vous dis, Olivier. Il s'aime, voyons. Francine, elle l'aime, Bernard. Il l'aime, Olivier. Vous vous aimez, Bernard. C'est fou ce qui s'aime. C'est fou ce qui s'aime, Olivier. Ah, c'est gonflant, tiens. Je n'ai pas encore compris pourquoi elles ont machiné cette ineptie, mais c'est gonflant. Marianne, en attendant, la veille de mon départ, dans le parc, Olivier, silence, on tourne. Pernette, oh, elle n'osera pas vous le dire, mais elle me l'a raconté à moi, Bernard. Et alors, Pernette, et alors, ils se sont dit qu'ils s'aimaient, ils la serraient contre lui, Olivier, et ils ont échangé un long baiser d'amour sur les lèvres. Pernette, non pas sur les lèvres, sur la bouche, Bernard. Quelle différence y a-t-il, Pernette? Ah oui, c'est vrai, Francine. Et bien entendu, vous devez vous revoir, Marianne. Oui, Bernard. À Poitiers? Pernette, non. Olivier, où ça? À Versailles? Marianne, à Paris. Francine, tu pars pour Paris? Première nouvelle. Olivier, mais oui, mademoiselle a décidé d'aller à Paris pour faire une licence. Une licence de mœurs, naturellement. Marianne, oh, tu baisses, Olivier, tu baisses. Francine, en résumé, Olivier, en résumé, mes enfants, nous sommes de noces l'hiver prochain. Nous allons avoir, vous, un beau-frère et nous, un cousin aviateur. C'est magnifique. On va lui faire un chic à l'aviateur. À Marianne, je ne te demande pas son nom, bien entendu. Marianne, nous ne te le dirons pas. Olivier, et pour cause. Mais qu'à cela ne tienne, attention, vous autres, pour l'amoureux de Marianne, hip-hip-hip, hourra, hip-hip-hip, hourra, hip-hip-hip, hourra. Et à ce moment, la porte du fond s'ouvre toute grande. Un jeune homme vêtu d'une combinaison d'aviateur blanche, coiffé d'un serre-tête blanc, portant au cou un foulard rouge, s'y encadre. Silence stupéfié, Marianne et Pernette se sont levés, saisis. Le jeune homme. Je vous demande pardon, j'ai frappé trois fois, on ne m'a pas répondu, je me suis permis d'ouvrir. Je viens d'avoir une panne stupide, Une rupture dans ma tuyauterie, probablement. J'ai voulu passer sur un autre réservoir, mais je n'avais pas assez de kérosène. Alors j'ai aperçu ce grand pré, là, tout près de chez vous. Ça ne m'a pas paru trop mauvais, j'ai mis mon moteur à ralenti, mais quand j'ai tiré sur la manette, ça n'a pas repris, et j'ai dû me poser sur le ventre. Quel poison, croyez-vous? Mais je vous dérange, peut-être. Je m'appelle Michel Bouillet. Ils le regardent tous avec effarement. Rideau.